Section 53 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Madame Duflot, lu par Christiane Johan. Monsieur Duflot, lu par Rémi. L'inconnu, lu par Saner Myriam. La lecture, tome 7e, section 53. Venu pour s'amuser, par Eugène Chavette. Monsieur et Madame Duflot sont installés aux premières loges de face. Pour une pauvre fois que vous consentez à me procurer un plaisir, je m'étonne, Monsieur Duflot, que vous ayez eu si peu de soucis de mon bien-être. Un mari galant se fût assuré des places plus confortables, mais il paraît que vous vous êtes dit « c'est assez bon pour elle ». Monsieur, étonné. Mais, ma chère amie, nous sommes aux premières de face. Chaque fauteuil me revient à 8 francs, et je cherche vainement où j'aurais pu trouver ces places plus confortables dont tu parles. Car je ne puis croire que tu fasses allusion à la loge du président. Madame froissée. Comment ? Vous ne pouvez croire que je fasse allusion à la loge du président. À votre avis, j'y ferai donc tâche ? Ah, je ne vous remercie pas de m'avoir amené au théâtre, puisque c'était pour m'y offrir de pareils compliments. Mais non ! Seulement, je réponds à ton reproche d'avoir négligé ton bien-être. Je me suis présenté à la location et j'ai dit « Combien vos premières places ?» On m'a répondu 16 francs, que j'ai payés avec empressement. On m'en eût demandé 50, que le bonheur de te faire plaisir me les eût fait donner avec la même joie. Ainsi, vous avez gaspillé 16 francs sans même vous être assuré quelles étaient ces places. De sorte que si à notre arrivée, on nous avait ouvert le fond d'une armoire en disant « Tenez, vous êtes placé là, sur la seconde tablette, vous n'auriez eu aucune réclamation à faire. » Oh, tu vas trop loin. Il est bien évident qu'une place louée pour voir la scène n'est pas dans une armoire, cela tombe sous le bon sens. Merci pour ce second compliment. Avec votre « selon tombe sous le bon sens », on ne peut pas mieux dire à une femme qu'elle est folle. On voit que vos 16 francs de place vous ont saigné le cœur. Vous cherchez à me les faire cruellement payer, comme si c'était ma faute, parce qu'un autre vous a fourré de pareilles places. On ne m'a rien fourré du tout. J'ai moi-même choisi les numéros sur le plan qui se trouvait dans le bureau de location. Ainsi, vous avez donné votre argent sans même demander à voir ces places pour vous assurer si les sièges en étaient plus ou moins moelleux. Mais il n'est pas dans l'usage de demander à tâter les sièges. Pourquoi pas ? On tâte bien un poulet avant de l'acheter. Il devrait en être de même pour une place. Et puis, dans la journée, la plus profonde obscurité règne dans les salles. On exige une lanterne. Oh ! Quoi ? Oh ! J'ai l'air de réclamer une montagne ? Vous n'allez pas me faire croire que dans une ville comme Paris, il ne soit pas possible de trouver une lanterne. Mais vous, le plus petit effort coûte trop à votre galanterie, et peu vous importe qu'une pauvre créature, dont la loi vous a confié le bonheur et la santé, attrape une courbature sur un siège plus dur que pierre. Monsieur, avec empressement. Veux-tu que je dise à l'ouvreuse de t'apporter un coussin ? Madame, avec dégoût. Quoi ? Un coussin qui a servi à tout le monde, n'est-ce pas ? Pendant que vous y êtes, pourquoi ne point aussi lui demander si elle n'aurait pas, par hasard, un vieux bouquet bien fané et oublié, qui est traîné pendant 8 jours au fond d'une loge ? Monsieur Calon. Tu sais, ma bonne, que si quelques fleurs peuvent être agréables, je vais m'empresser de... Si vous aviez la plus petite préoccupation de ma santé, vous sauriez que les parfums me rendent malade. Pardon, je l'oubliais. Je n'avais pas attendu cet aveu pour en être persuadé, car depuis que nous sommes ici, un mari un peu prévenant, qui aurait senti combien notre voisine empoisonne le patchouli qui me tourne le cœur, se fût empressé d'aller ouvrir la porte. Ma chère amie, je le ferais avec plaisir, mais la pièce est commencée, il faudrait faire lever tout le monde. Oui, il vous répugne de déranger des étrangers pour procurer un peu de soulagement à la mère légitime de vos enfants. Et puis je crois que cela établirait un courant d'air nuisible et que chacun s'empresserait de faire fermer la porte. Ainsi donc, il faut que je tombe asphyxié parce que le malheur me place à côté d'une voisine peu fraîche. Chut, si on t'entendait ! Mais oui, je le répète, peu fraîche. Chut, chut ! Si elle était fraîche, aurait-elle besoin de s'inonder d'odeur ? Je vous le demande. Je n'en sais rien. Vous n'avez même pas le bon sens de Toinette, notre cuisinière. Grand merci. Dame, que fait-elle quand l'été lui donne à douter de la fraîcheur du poisson? Elle nous l'accommode à la provençale, à l'ail. Une odeur chasse l'autre. Vous voyez bien que ce n'est pas sans raison que cette dame se couvre d'odeur. Ne vas-tu pas dire qu'elle est aussi à la provençale? Je le préférerais. L'ail en tête moins que le patchouli. Oui, mais le patchouli est une odeur reçue dans tous les salons. Les salons n'en sont que plus à plaindre. Ah, je comprends pourquoi le mari de cette dame prise du tabac par poignée. Car ce doit être son mari que ce grand sec qui est là, avec sa bouche en cœur et sa main en pigeon vol. Il fait ce que nous devrions faire. Il écoute attentivement la pièce. Avec ça, qu'elle est amusante, cette pièce. Je n'en comprends pas un mot. Si tu écoutais un peu, au lieu de tant parler... Alors on ne peut plus ouvrir la bouche. Je ne veux pas dire cela, mais il est d'usage, la toile levée, d'écouter les artistes. Cela aide beaucoup à comprendre l'intrigue, m'a-t-on dit. Elle est jolie, votre intrigue. Une comtesse qui reçoit le premier venu. Allons bon, les voilà qui se mettent à chanter quand elle le reconduit. C'est ce qu'on appelle une sortie. Est-ce qu'il est d'habitude de chanter à la ville chaque fois qu'on passe d'une pièce dans une autre? Ils ont dit dans le commencement qu'il y a un auteur à l'étage en dessous. Eh bien, en voilà un qui doit avoir une étude bien tranquille si la comtesse se met à chanter chaque fois qu'elle reconduit un visiteur. Pour peu que ses domestiques en fassent autant, cela doit bien réjouir le notaire. Il a de la patience, le pauvre homme. Au fond, c'est une pièce bien observée. Ah oui, bien observée. Ils ont partout des portes à deux battants, et toutes les fois qu'ils entrent ou qu'ils sortent, ils ouvrent les deux battants. Est-ce que c'est l'habitude d'entrer à la ville à deux battants, hein? Ils tirent donc les verrous à tous les coups, et au moins s'ils la refermaient, leur porte. Mais non, ils la laissent ouverte derrière eux, elle se referme seule. On suppose qu'il y a de l'autre côté un laquais qui prend ce soin. Alors il y avait donc un laquais dans la chambre à coucher de la comtesse quand elle y est entrée à deux battants, et elle venait d'annoncer qu'elle allait s'habiller. Jolie comtesse, merci. Si c'est ça qu'on appelle les grandes manières du siècle de Louis XIV, je suis fière de n'être qu'une simple bourgeoise. Il vous demande 16 francs pour vous montrer cela. Tu es sévère. Pas le moins du monde, mais puisque le théâtre est une école de mœurs, je ne veux pas qu'on crie dans la maison d'un auteur, ni qu'une comtesse s'enferme dans sa chambre avec un laquais. Allons bien, en voilà un qui se met à danser à présent. Tu n'as pas entendu qu'il a dit « Profitons de l'absence de la comtesse pour répéter le pas que je dois danser ce soir avec elle. » C'est pourquoi il danse. Et le notaire, en dessous, on n'y pense plus alors? Il faut qu'il ait bien peu cher de loyer pour rester dans une maison pareille. Est-ce qu'il ne va pas monter? Tu m'en demandes trop. Ah, Dieu, on est mal assise. Je suis sûre qu'on était mieux jadis pour aller à l'échafaud. Je ne comprends pas la police qui a tant témoigné d'intérêt pour les veaux qu'on mène à l'abattoir et qui ne se préoccupe pas le moins du monde des spectateurs de théâtre. Si jamais on voulait faire passer cette banquette à la barrière, un douanier y casserait sa sonde. Tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là qui entre chez la comtesse comme dans du beurre? Il vient de dire qu'il n'a trouvé personne dans l'antichambre pour l'annoncer. Alors, qui a donc refermé sa porte qu'il avait aussi ouverte à deux battants, puisque le fameux laquais n'y était pas? Voilà une comtesse qui est bien à huis clos quand elle s'habille. Elle aurait tout aussi court d'aller s'habiller dans le passage de l'opéra. Je me demande pourquoi il ne prend pas au nouveau venu l'idée d'entrer dans la chambre à coucher de la comtesse pendant qu'il est en train de se promener chez elle. Il faut espérer qu'elle aura au moins eu la précaution de tirer le verrou. Ah, la maison est bien gardée. Pas même un portier. J'aime à croire que le notaire ne conserve pas de fonds chez lui. Si tu t'arrêtes à des minuties, le théâtre n'est plus possible. Ah, vous appelez des minuties de pouvoir entrer chez une dame qui s'habille. Du reste, je n'en suis pas étonnée. Pour vous, la décence est chose inconnue. Je suis même surprise que vous n'ayez pas encore quitté votre place pour aller aussi rôdailler chez la comtesse. Vous cherchez sans doute un prétexte en ce moment même. Tu es folle. Voilà plus de 10 minutes que je m'attends à vous entendre me dire que vous avez un rendez-vous chez le notaire d'en dessous. Voyons, observe-toi. On nous regarde. Tu oublies que nous sommes au théâtre. Ah, je m'étonnais ce matin de votre incroyable prodigalité d'aller dépenser 16 francs pour me procurer un plaisir. Je comprends maintenant votre triple but de me briser le corps, de m'empoisonner par le patchouli et de me pervertir le moral. Monsieur, va. Je t'en supplie, tais-toi. Vous vous disiez, maintenant qu'ils ont la liberté des théâtres, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Ils gangrèneront l'esprit de ma femme, dont ils feront une gourgandine, comme cette comtesse qui reçoit des populations entières. Je t'en conjure, tais-toi, on rit de nous. Je ne resterai pas un instant de plus. Je veux aller immédiatement réclamer nos 16 francs. Ils déduiront un acte, s'ils en ont l'audace. Les théâtres devraient être payés comme les fiacres, à l'heure. On solderait en sortant ce qu'on aurait consommé. On ne serait pas ainsi obligé d'avaler toute la dose pour rentrer dans son argent. Regardons une dernière fois la scène. Tiens, ils embrassent tous la comtesse. Quelle horreur! Mais puisqu'elle retrouve ses 5 frères perdus! Jamais on ne perd 5 frères d'un seul coup. Elle les appelle ses frères par un reste de pudeur. Si tu avais bien saisi l'intrigue, tu aurais compris que... Alors je ne suis qu'une buse. Je ne dis pas cela, mais... Je n'entendrai pas plus longtemps cette pièce. Je veux sortir. Attends le baisser du rideau. Jamais. Nous ne pouvons déranger tout le monde. Si vous refusez de me faire place, je piétine sur les genoux du public. Un peu de patience. Oh, les nerfs! Elle tombe dans une attaque de nerfs. Elle est emportée par son mari et par son voisin, officieux et inconnu, jusqu'à une voiture. L'inconnu, en quittant Duflot. Monsieur, si vous aviez besoin de mes bons soins pour votre dame, voici ma carte. Duflot lisant. Bras de fer, dompteur de bêtes féroces. Fin de la section 53.